reporters de moins de 40 ans, participez à la nouvelle édition du prix Philippe Chaffanjon. Si en 2016, vous avez réalisé un reportage multimédia diffusé par un site de presse français ou haïtien, inscrivez-vous jusqu'au 15 décembre pour ce prix récompensé par le président d'honneur et académicien Michel Serres. Toutes les infos sur le prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia sont sur radiofrance.fr. À suivre, la bande originale de Nagui qui reçoit Karim Dridi et Rachid Bouchareb pour Chouf. Il est 11h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Il était en contact via Telegram avec Rachid Kassim, un djihadiste français soupçonné de téléguider des attaques à distance. Un adolescent de 15 ans était présenté à la justice ce matin pour être mis en examen. Le collégien en question a été interpellé mercredi dans le Val d'Oise. Il était aussi en lien avec l'autre adolescent arrêté lui le 14 septembre dernier à Paris qui voulait commettre une action violente. Shimon Peres appartenait à la catégorie des géants comme Mandela. Dans son éloge funèbre, Barack Obama a souligné ce matin que la présence de Mahmoud Abbas aux obsèques de Shimon Peres rappelait aussi que la paix dans cette partie du monde reste un chantier inachevé. Le président américain n'a pas été le seul à parler. Plusieurs dirigeants se sont succédés à la tribune pour rendre un dernier hommage à l'ancien président israélien Bill Clinton ou encore Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. La cérémonie est maintenant quasi terminée. Shimon Peres va être inhumé dans le cimetière national du Mont Herzl, aux côtés d'Itzhak Rabin. 10 000 euros d'amende pour Roland Dumas, l'ancien ministre de François Mitterrand, a été condamné ce matin par le tribunal correctionnel de Nîmes. Il était poursuivi pour recel de détournement de fonds dans une affaire dans laquelle un autre ancien ministre socialiste, Gilbert Baumet, était lui condamné à 4 mois de prison. L'affaire est liée à une étude sur la vidéosurveillance et un système de lecture automatique de plaques d'immatriculation. L'étude avait été commandée à Roland Dumas par Gilbert Baumet à l'époque où il était maire de Pont-Saint-Esprit. Roland Dumas était maire de cette commune du Gard entre 1971 et 2011. L'Europe a jusqu'au 7 octobre pour ratifier l'accord de Paris sur le climat, plus qu'une semaine. Les ministres de l'Environnement des 28 sont à Bruxelles aujourd'hui pour un conseil extraordinaire. Plutôt que d'attendre en fait que l'ensemble des pays membres ait ratifié chacun de leur côté l'accord sur le climat, les Européens vont tenter une ratification commune. C'est une procédure inédite. Pas question d'être à la traîne en fait, car la Chine et les États-Unis, les deux pays les plus grands pollueurs de la planète, ont déjà ratifié le document. L'accord de Paris vise à contenir le réchauffement climatique sous le seuil des 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Pour devenir applicable, il doit être ratifié par au moins 55 pays représentant au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre. À ce jour, 61 pays ont ratifié l'accord de Paris, mais ils ne représentent à eux seuls que 48% des émissions. Il y aura désormais une seule entité Airbus. Airbus a annoncé ce matin la fusion des structures Airbus Group et Airbus Commercial Aircraft. Et la nouvelle entité ou société sera dirigée comme il se doit par l'actuel président exécutif du groupe, Tom Enders. Les ménages ont plus consommé au mois d'août, plus 0,7% selon les chiffres de l'INSEE ce matin. Du côté de l'inflation, l'INSEE nous dit également que les prix à la consommation ont reculé en septembre, moins 0,2%, mais plus 0,4% sur un an. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Du lundi au vendredi sur France Inter, à 12h30. Carnet de campagne au carrefour des bonnes nouvelles près de chez vous. Avec Philippe Bertrand. Les carnets dans le Haut-Rhin. Aujourd'hui, une association de coopération qui importe du Mali des pratiques de pâturage applicables aux espaces urbains. Et puis la fondation François Schneider, fondation qui aide les jeunes artistes et accorde des bourses aux étudiants sans ressources. Carnet de campagne. Philippe Bertrand, tout à l'heure sur France Inter, à 12h30. Ce vendredi, jackpot Euromillions de 130 millions d'euros minimum. Alors, imaginez, comme tous les jours, vous vous levez à 7h. Non, 11h. Oui, 11h. Et vous quittez votre lit. Moi, Mac. Puis, vous allez vous baigner. Oh là, pas le temps. 13h, réception de la Formule 1, 17h de mon yacht et 18h de mon avion, avec tous mes copains dedans. Euromillions My Million, imaginez, 130 millions d'euros minimum à Euromillions. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. La Fiesta des Suds vous embarque pour ses 25 ans du 19 au 22 octobre au Dock des Suds à Marseille. Un après-midi minot, 3 soirées, 40 concerts festifs pour une odyssée hors norme. Avec Louise Attaque, Hubert Félix Tiefen, Deluxe, Dubbing, Cassius, Jeanne Aded, Skip and Die versus Lindigo, The Dizzy Brands, Naive, New Beaters et bien d'autres. La Fiesta des Suds, un événement France Inter. Plus d'infos sur franceinter.fr. Et c'est toujours comme ça, à la même heure sur France Inter. C'est la bande originale et c'est avec Nagui. Merci Laetitia Gaillet, on vous retrouve tout à l'heure midi pour d'autres infos. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Guillaume Mogouir. Albert Algou. Daniel Morin. Bravo Daniel. Et Charlotte qui est au gagné. Bonjour. Et nos invités sont Rachid Bouchalab et Karine Bridi. Merci messieurs de venir nous parler de votre film. Je dis votre film parce que c'est vous êtes les deux impliqués. Karim Tridi, vous réalisez ce film qui s'appelle Chouf. Rachid Bouchareff, vous le produisez. Vous n'avez pas voulu le réaliser. Non, vous avez oublié que vous étiez réalisateur. Oui, et puis mais parce que c'est surtout Karim qui. C'est son projet. Qui, oui, bien sûr. Moi, je suis là que. Pour prendre l'argent. L'accompagner dans son projet et puis avec d'autres personnes comme Jean Bréa et tout, l'accompagner pour faire son film. Mais c'est surtout lui qui est moteur. Ça s'appelle Chouf. Quand on. En arabe, ça veut dire. Regarde. Ouais, maths aussi. Il y a un petit côté argotique avec. Chauffe le café qu'on t'apporte, par exemple, voilà, chauffe la jolie fille qui le tient, et ainsi de suite. Voilà. C'est même devenu un terme qu'on emploie, je crois, dans la police, parce que je regarde l'engrenage, et ils disent on va faire un chouffe, c'est-à-dire qu'on va faire un. Une planque ouais. On va guetter, oui. D'accord. T'as vu bah, t'as des fréquentations, dis-moi. J'ai des soirées surtout palpitantes. Maréchal Ganache, oui, vous savez très bien présent. Pourquoi nous avons invité. Nos invités, c'est-à-dire Rachid Bouchareb et Karim Dridi. Et bien sûr, parce que vous avez sans doute jugé qu'avec vous-même et Leïla, ça ferait deux Rastaquaires de plus qui ferait bien de comprendre ce que nos ancêtres, les Gaulois, peuvent bien vouloir dire. Néanmoins, comme disait mon père, qui était une gueule cassée de la Grande Guerre, le jeu de mots, néanmoins, puisque dans la famille, nous sommes mutilés de père en fils, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Oui, néanmoins, disais-je, laissez-moi continuer, pardon, Maréchal, pardon. Dans la famille, néanmoins, disais-je, j'ai apprécié Chouf, le troisième volet de la remarquable trilogie marseillaise de M. Dridi, qui comprenait déjà cette trilogie, Bye Bye et Kamsa. À ce propos, Nagui, j'avoue avoir été surpris par les propos que vous m'avez tenus avant l'émission. Je vous cite. Marseille, Marseille, encore Marseille. C'est devenu son fonds de commerce à ce Dridi. Il serait temps qu'il change de disque et qu'il arrête de nous bassiner avec l'exotisme à deux balles de ses bassins d'inculture et de non-droit que sont les quartiers nord. Et puis, pour filmer aussi bien le fonctionnement fratricide des réseaux de drogue, je me demande quelles relations douteuses ont ouvert à Karim Dridi les portes de ce tiers-monde pour toxico. Mais, contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, je n'ai pas les préventions de Nagui. Et j'ai été tenu en haleine par cette palpitante histoire de vengeance où un jeune homme issu de ces quartiers nord, qui croyait s'être dérobé au déterminisme de sa condition sociale, j'arrive à faire des belles phrases, ouais, ouais. N'échappe pas. Il tient bien votre dentier. Il y a du fond, Je l'ai bien collé ce matin. J'ai prêté mon chewing-gum. Il m'a prêté son chewing. N'échappe pas à son destin. Et à ce sujet, Nagui m'a aussi glissé à l'oreille, je le cite à nouveau. Putain, à tous les coups, Leïla Kadour Boudadi va évoquer la tragédie grecque. Nous faire un laïus imbitable sur Orestes, Clytemnestre et tout le reste. Et nous parler en latin de fatum. Alors maintenant, il y a ce titre, Chouf, qui en arabe veut dire, vous l'avez évoqué, vous ôtez le pain de la bouche. Vous ôtez le pain de la bouche. Un terme employé par mes amis policiers marseillais, avec qui d'ailleurs j'entretiens d'excellentes relations, avec lesquels il m'arrive de boire le pastis sur le vieux port. Le vieux port qui est d'ailleurs devenu mon surnom, sous prétexte qu'un homme de mon âge ne doit pas mater, chouf, les cagoles à bourrelet tatoué. Je racane bien. Chouf donc désigne les guetteurs que l'on aperçoit. Karim Dridi est en train de capter une autre radio en même temps. Faites vite, il se fait chier, il écoute énergie. Dépêchez-vous. Je disais que chouf. Il est tout gêné. Non, pas du tout, je laisse écouter sa station préférée. Je snap. Désigne les guetteurs que l'on aperçoit perchés d'ailleurs au début du film sur les toits. Ouais. Un mot qui me reporte aux années héroïques de ma jeunesse. C'était l'hiver 1956, en Algérie, avec mes légionnaires allemands, une colonne de la Légion étrangère. J'avais ratissé en vain le Djebel Debouz à la recherche de Felaga, les fameux choufs. Et comme il faisait atrocement froid, j'avais mis le slip et le marcel en thermolactyle que m'avait envoyé en colis la maréchale, qui était restée en métropole. Et je m'étais enroulé dans une couverture chauffante. Comme on n'avait pas l'électricité, au moyen d'une pince croco, j'ai branché la couverture sur la gégène à pédale. Et à peine avais-je commencé à pédaler, la décharge a été fulgurante. Quand je me suis réveillé, la couvrante était en train de cramer et mon slip en thermolactyle avait fondu, collé sur moi, me brûlant le fessier au quatrième degré. D'où le handicap... Ne riez pas. Le handicap qui est le mien et dont tout le monde se fout parce que vous m'auriez fourni un fauteuil un peu plus confortable. Voilà, merci. Bonne émission. Merci, Michel Galache. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Michel, qui est un véritable fan club, vous recevez des courriers en ce moment, vous avez des admirateurs. Un courrier très touchant, je vous l'ai passé tout à l'heure. Ah oui ? Eh bien... Vous pourriez remercier l'expéditeur. Vous voulez écouter un morceau ? Oui. C'est quoi ça alors ? Ah, ça c'est Gaël Légionnaire. C'est ça. Alors je veux remercier Laurent Tenier, qui a été l'acheter à la maison de retraite des Invalides de la Légion étrangère, où il achète son vin aussi. Il me dit dans le courrier. Mais voilà. C'est joli, Gaël Légionnaire. Ce que je veux dire, c'est que tout est vrai là. Ah, non, Légionnaire... Tout est vrai. Tout est vrai. Ou Légionnaire gay. C'est ça, respect. Nagui propose qu'on aille faire une émission en direct de là-bas. Pas tout de suite. Mais pas maintenant. Pas tout de suite, attendons les élections. Nous avons donc Rachid Bouchareb et Karim Dridi qui sont nos invités pour ce film. Qui jette un nouveau regard ou un vrai regard sur ce qui se passe à Marseille. D'ailleurs, quel était votre but, Karim Dridi, avec ce film ? C'était montrer une réalité ? Mon but, déjà, c'était de faire un film. C'était de faire un film de cinéma, ouais. Voilà, un thriller, un polar, un film noir, d'entraîner les spectateurs dans une aventure. Parce que, comme dit Rachid, un film, c'est un voyage. Donc, les entraîner dans ce voyage, leur proposer ça. C'était ça, le premier but. Et puis, après ça, c'est aussi peut-être provoquer des débats, des discussions, des réflexions. Parce que c'est un film de fiction, mais c'est aussi un film hyper réaliste. Mmh. C'est pour ça que je parle de cette réalité marseillaise, mmh. où il y a beaucoup de Kalachnikov, il y a une ambiance, il y a une tension, mais il y a aussi des rapports extrêmement importants, des rapports humains. La famille a un rôle incroyable, même c'est le cœur de tout. Le rôle des femmes et des mère très présente aussi, même si elles sont pas en permanence à l'image, elles planent en permanence sur ce qui se passe. Le point de départ, justement, c'est une histoire vraie. C'est des histoires vraies que j'ai entendues parce que j'ai fait trois films à Marseille. Enfin, j'ai fait plus de trois films, mais j'ai fait une trilogie. Donc la première, c'était en 95 avec Samy Bouajila. Mmh. Il en a parlé dans notre émission. Que j'adore. Ouais, qu'on adore tous. Et le deuxième film, c'est Khamsa, que j'ai fait en 2007. C'était l'histoire d'un petit môme, moitié gitan, moitié maghrébin. Et puis là, j'ai rencontrer les quartiers nord, des jeunes fantastiques, et je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire, je le vois pas dans le cinéma français, j'ai envie de faire un film en tant que spectateur, j'aimerais voir ce film. Et c'était hyper galère pour trouver les moyens et les gens pour m'aider à faire ce film. Donc j'ai appelé Rachid. Pourquoi d'un coup c'est difficile de convaincre des chaînes de télévision ? Elles ont peur de le diffuser ? C'est quoi le problème ? Pas seulement les chaînes. Parce qu'on sait que les chaînes, oui, c'est un moteur essentiel maintenant dans le cinéma. Les chaînes, mais aussi les financiers. Parce que c'est vrai, c'est ce que vous dites, c'est que c'est pas sûr que le film qui est coproduit et qui doit passer à 20h40 passera à 20h40. Si, il passera à 20h40. Qui est producteur du. Oui, mais ce que je veux dire, c'est non, mais quelle chaîne est avec vous dans ce projet ? France 3. France 3. Et il faut que ça passe. Il faut même qu'il y ait un débat derrière. C'est-à-dire qu'il faut en faire une soirée à thème. Voilà, mais on n'y est pas encore. D'accord, ok. Ça pose des résistances de proposer un film comme ça qui interroge la société. On attend effectivement que ça aille plus loin. Mais c'était juste pour rebondir sur votre question. Quand vous dites qu'une chaîne de télévision peut s'impliquer avec difficulté, ça a mis beaucoup de temps. Mais on y est arrivé. Mais après, au niveau de la diffusion, c'est une deuxième question. Alors, Karim Dridi, vous prenez là encore, dans votre façon de raconter ce film, dans votre narration, un point de vue, un parti pris. Tout à l'heure, Albert parlait. Albert. Maréchal Ganache. De ce jeune homme qui tente de s'extraire d'une forme de déterminisme social et qui est, malgré lui, replongé. Est-ce que c'est quand même un propos fort dans ce film-là ? Il y a quelque chose de militant, de... D'engagé, oui, ouais. C'est la thématique centrale. C'est de se dire, est-ce que ce jeune garçon qui fait des études dans ces quartiers, faire des études supérieures, il a bac plus 5, c'est quand même super rare. Est-ce que le même garçon né dans un autre quartier, né dans le 8e arrondissement de Marseille par exemple, est-ce qu'il aurait la même destinée? Moi je pense que non. Le film pose des questions, il n'amène pas des réponses, mais il pose des questions. Pourquoi le trafic de shit et de drogue dans ces quartiers? Depuis quand ces quartiers existent? Pourquoi quand on vit dans un quartier comme ça, on a ce fameux déterminisme social qui vous colle à la peau? Voilà, ça pose toutes ces questions. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, pardon, parce que là, on fait un peu de... Oui, il faut qu'on raconte notre soi, c'est qu'on n'a pas l'histoire. Voilà. Oui, on a tous vu le film et il faut qu'on vous donne envie d'aller voir ce film. Parce que c'est vrai que sur le papier, se dire on va aller voir un film avec des guns de la Kalachnikov et... du charbon. Du shit et des vannes un peu en arabe, un peu en argot marseillais, ça peut paraître obscur. Or, c'est vraiment prenant. Il n'y a pas de star en plus en termes de comédiens, avec tout le respect que je dois aux bons comédiens qui sont dans le film, mais c'est vrai que c'est pas porté par des distributions connues, reconnues. Il n'y a pas Jean Dujardin, il n'y a pas Franck Dubosc, il n'y a pas Cadmérade, mais il y a aussi de bons comédiens, avec tout le respect qu'on doit à Vincent Cassel, Cad et les autres. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est un... le prisme, pour moi, c'est l'histoire d'un gamin qui, lui, est parti faire des études, qui revient dans la famille. Son père a énormément d'amour pour lui parce que, justement, il se sort de la condition sociale dans laquelle la famille se trouve. Il y a un grand frère qui est là, qui, lui, trafique et on sent qu'il a les poches pleines d'argent liquide et c'est lui qui paye le loyer, l'électricité, qui permet à ses sœurs d'acheter les baskets de marque à la mode. C'est lui qui entretient tout. Mais le père... Par contre, il sait que c'est un peu de l'argent sale, donc il n'a pas envie ni de lui faire la bise, ni de lui dire merci d'être là. L'enfant prodigue, celui que tout le monde admire, et qui est un peu gringalé, j'aime bien ce côté chétif. Qu'est-ce qu'il est beau aussi. Ça, c'est un point de vue féminin. Ouais. Non, c'est un point de vue, non, mais je redirais la même chose pour une femme. D'ailleurs, la jeune comédienne est très très belle aussi. Absolument. Ouais. Et donc, il y a un règlement de compte qui se passe, et là, tout s'écroule. C'est-à-dire, celui qui était le provider celui qui amenait l'argent à la maison et qui même l'argent sale, mais qui faisait vivre la famille, est abattu. Sentiment un tout petit peu aussi de déséquilibre dans cette famille, sentiment de justice de la part de ce gamin, même diplômé, et qui n'a pas l'habitude de toucher le moindre revolver, qui n'a pas l'habitude de la violence, qui se fait prendre des claques et des insultes de la part de tous les cousins de la cité. Il veut réagir. Et là, il rentre dans ce milieu, un peu pour venger, et finalement aussi, il rentre dans le système en se disant, et si j'appliquais ce que j'apprends dans les écoles de commerce, façon McDo, je trouve la scène alors on va faire de la distribution comme chez McDo, un driving pour le shit, et il rentre là-dedans, mais les règlements de compte ne vont pas s'arrêter pour autant, il va pas pouvoir nettoyer tout le système sera toujours plus fort que lui, et il y aura toujours un grand frère ou un petit frère, un grand frère qui sera abattu et un petit frère qui viendra le venger, et la boucle est un peu infernale. Non, je vois votre regard. Je ne veux rien dévoiler de ce qui se passe, mais il y a une espèce de spirale, de boucle infernale, parce que c'est ça. Un cercle vicieux. Ouais, le cercle est vraiment vicieux, mais dans tous les sens du terme. Et la présence des femmes et des mères est extrêmement importante. Et oui, parce qu'au sein de cette famille-là, il y a quand même ce regard, ce rapport-là, à la fois d'admiration pour l'enfant, de protection, et puis de déférence, de respect, qui est quelque chose de très traditionnel dans ces cultures-là. Moi, j'ai été très très ému par le père, le comédien qui incarne le père de famille. Ah, moi c'est la mère, moi. C'est la mère qui m'a touchée. C'est la mère qui est dépassée. C'est du très beau cinéma. C'est du très beau cinéma. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire, il y a voilà, ce qu'on vient de raconter, mais c'est du très beau cinéma. Moi, il y a des plans qui m'ont totalement scotché, qu'on a envie de revoir, et qu'on a même envie d'avoir le DVD en attendant la sortie après, pour faire des pauses, pour voir la construction. Parce qu'il y a souvent, les films dits de banlieue, en fait, ont un certain nombre de codes. Et là, je trouve qu'on les reprend en les pervertissant d'une certaine façon, en les transformant. Et je trouve que c'est vraiment novateur visuellement. Alors, on n'a pas la BO du film, et c'est dommage parce que elle déchire, la BO du film, mais en tout cas, on est un peu dans cette ambiance marseillaise. Marseille, on est pas bien chez nous. Là, on a tout. On a la mer, le soleil. Pas besoin d'aller voir ailleurs. Pas besoin. Mais bon, malheureusement, des fois, ça va trop vite. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais, on voit ce que tu veux dire. Et moi, puis... j'oublie l'essentiel. Quoi donc? C'est que le film commence, on parle de musique, le film commence avec Cazé. Et Cazé, s'il y a bien c'est une rappeuse. Mais j'ai envie de le dire très sincèrement, c'est le meilleur rappeur en France qu'on ait. Mais Kazé, elle est exceptionnelle. Et commencez votre film avec Kazé, déjà, vous donnez le ton, vous annoncez un engagement, vous annoncez qu'il va y avoir une forme de militance dans votre propos. Et moi, je vous incite tous à découvrir cette artiste Kazé qui est merveilleuse. Il va sortir le CD, rassurez-moi, on va pouvoir... Oui, il y a une BO qui est en train de se faire. D'accord. Malheureusement, il n'y aura pas Kazé dans la BO, mais bon, on peut... Pour des problèmes de contrat, Kazé. On sent qu'il y a des trucs de contrat. Non, Kazé aime bien... Non, mais Kazé, c'est Kazé, elle ne se mélange pas, Non, mais c'est vrai, elle a raison, c'est la plus grande, c'est la meilleure, elle est de loin meilleure que tout, je vais pas dire du mal de Booba et des autres, et de Carice et de Jules, parce qu'elle est à des milliers de kilomètres au-dessus. C'est une poétesse, elle manie la langue française comme Aimé Césaire et d'autres, elle est extraordinaire. Et Franz Fanon, on l'a reçu cet été dans le Mac de l'été, si vous voulez podcaster cette émission pour la découvrir, vraiment, c'est pas pour faire de la pub pour mon émission, mais elle était magistrale. Elle était très bonne cette émission, tu peux en parler au contraire et en être fier. Le film sort le 5 octobre, film de Karim Dridi, qu'on vous encourage vraiment à aller voir parce que vous comprendrez. Voilà, c'est ça qui est fort. Évidemment, on peut voir le côté que policier, on peut voir la tension, presque l'enquête que va faire Sofiane en se disant mais qui a tué mon frère, comment mon frère est mort, comment je peux le venger. Donc ça peut vraiment se regarder comme un film policier du dimanche soir à la télé, mais ça peut aussi se regarder comme un cache investigation ou comme un reportage parce que tout paraît extrêmement vrai. Et bien filmé en plus par Karim Dridi. Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous a dit que Rachid Bouchareb et Karim Dridi étaient nos invités. Et oui, et immédiatement, Rachid Bouchareb, j'ai pensé très fort à vous ce week-end quand j'ai entendu les mots de François Hollande aux Invalides. Lorsque le cessez-le-feu a été signé le 19 mars 1962, à la suite des accords d'Évian, ces harkis, c'est-à-dire vous, aviez confiance en la France. Parce que vous vous étiez battu pour elle et vous n'imaginiez pas qu'elle puisse vous abandonner. C'est pourtant ce qui s'est produit. Voilà, c'est à l'occasion de la journée nationale en hommage aux harkis. C'était dimanche, le chef de l'État a reconnu l'abandon, le massacre, les mauvaises conditions d'accueil aussi en France des harkis. C'était une promesse de campagne faite en 2012 qu'il a fini par tenir. Et puis j'ai pensé à vous parce que j'ai pensé à Indigène. Et j'ai pensé à ce film. Il y a des films qu'on voit et qui passent, et puis il y a des films qui étaient primés à Cannes. La guerre d'Algérie sur le territoire français. Ouais. C'était en 2006 au Festival de Cannes. Ouais. Et hors la loi 2010. Ouais. Et 2010. Voilà. Donc j'ai pensé à vous ce week-end, Rachid Bouchareb. Vous étiez heureux d'entendre ces mots-là. Je l'ai pas entendu. C'est la première fois parce que j'étais un peu autre part, mais j'ai entendu. Non, mais c'est bien que d'un point de vue sur le passé, en tout cas. En France, ça s'installe carrément dans le débat et puis qu'on avance avec ça, quoi, qu'on aille un peu plus loin maintenant. Quoi. Ça fait déjà, je crois que ça fait 60 ans. Ouais, là, 60 maintenant. Ans. Ouais. 60 ans, je me souviens qu'hors la loi, ça avait fait des remous à Cannes avec, on fait du cinéma. La guerre d'Algérie, c'est un thème intéressant pour le cinéma. C'est un moment important de l'histoire franco-algérienne. Il faut la dépasser, mais il y a trop de passion en France, mais ça avance. Ça avance, mais ça intervient quand même quelques mois avant la présidentielle. Ceci explique peut-être cela. Les harkis, on en parle à chaque fois avant les élections, en gros. C'est ça. On sait à quel moment ils vont en parler. Et quand je pense à vous, Karim Dridi, j'entends la voix d'un réalisateur britannique récompensé à de nombreuses reprises à Cannes. How do you choose your actors? Do you work with your instincts? You'd have quite a long process of moving away from this thing. Cet extrait d'un documentaire que vous avez réalisé sur Ken Loach. Oui, Citizen Ken Loach. Citizen Ken Loach, dans une série cinéma de notre temps. Vous avez donc rencontré Ken Loach, vous l'avez suivi à de nombreuses reprises. Le cinéma comme acte militant, le cinéma récompensé aussi à Cannes à de nombreuses reprises. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, ça m'évoque une chose. Moi, j'adore cet homme et chaque fois, je pense à lui. Il m'a appris au moins une chose. Il m'a dit la discipline, c'est sourire quand on a envie de mordre, c'est ça. Et quand t'as envie de crier, c'est une belle phrase. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est Ken Loach. Il faut de la discipline.

l'Afrique subsaharienne pour que l'humanité survive au cas où on trouverait vraiment pas d'eau liquide. Nagui sera là aussi. Ah bon ? Oui, pour créer la première émission de télé sur Mars. N'oubliez pas votre brosse à dents. Genre vraiment, parce qu'on va jamais revenir sur Terre. Et que, par parenthèse, le voyage va durer entre 3 et 6 mois. Donc sans brosse à dents, ça va fort accentuer l'impression de déracinement. Le projet, en tout cas, semble sur les rails, puisque le très sérieux milliardaire américain Elon Musk, cofondateur de PayPal, Tesla Motor et de ce programme SpaceX, a l'air tout à fait déterminé à conjurer l'extinction de la race humaine. C'est dingue, aux États-Unis, les milliardaires, ils veulent sauver l'humanité. En France, ils veulent sauver Nicolas Sarkozy. Enfin voilà, donc chacun son délire. Mais on y est presque, les amis. Musk parle de 100 000 $ pour s'offrir le voyage. Une bouchée de pain, le prix d'un bébé moche en GPA. Donc on va bientôt partir, les amis. On est sur le départ. Allez, bonne émission et bon week-end. Merci, Guillaume. France Inter. Nagui, la bande originale. Parlons de Chouf, le film qui sort le 5 octobre prochain, le film de Karim Dridi, produit par Rachid Bouchareb. Les deux sont nos invités. On a parlé des comédiens en disant qu'ils étaient brillants et pas très connus, mais ça serait bien qu'ils le deviennent connus. Donc, je vais me lancer dans la liste des noms, parce que c'est vrai qu'on dit les castings dès l'instant où les gens sont connus, et quand ils sont moins connus, on se dit, bon, il y a plein de jeunes, allez les voir. Non. Il y a Sofiane Kams, vous m'arrêtez vous m'arrêtez dès que je prononce mal. Fouad Naba. Oui. J'ai bon. Oussama Abdoulal. Oui. D'accord. Zineda Harar. Oui. Nelia Arzoun. Foziwa Mohamed. Mohamed Ali Mohamed, ça c'est plus facile pour moi à dire. Tony Fourman. Mouratar Boussata. Alors la maman et le papa, c'est Atika Karawi et Slimane Dazi. Slimane Dazi, il est incroyable dans tous les films. Il y a Simon Abkarian quand même, que l'on peut saluer. C'est incroyable. Dans le rôle du Libanais, voilà, incroyable dans tous les films. Enfin, bravo à toute cette équipe qui porte ce film. Chouf, qui a été présenté à Cannes. Oui, il était en sélection officielle, en séance spéciale. Comment ça s'est passé? Ah ben c'était super, super. C'était vraiment une consécration pour tout le monde, pour les jeunes. Déjà, vous imaginez un premier film, on n'a jamais joué et on monte les marches de Cannes. Donc on était fous. Sans être fouillé surtout, c'est ça. et en fumant des joints. Avec modération. Non, c'était vraiment incroyable. Et quand la lumière s'est rallumée, tout le monde s'est précipité, pas sur moi, mais sur eux. J'étais pas jaloux, j'étais super heureux pour eux et ils en revenaient pas. Ils me disaient, mais on est dans un vaisseau spatial, on est ailleurs, quoi. On va continuer de parler de Chouf et surtout du sujet qui se dégage de ce film, c'est-à-dire le pourquoi, du comment cette société s'est organisée comme ça dans les quartiers nord de Marseille, parce que c'est une vraie société organisée avec ses règles, avec ses lois, on va dire, avec son organisation. Mais d'abord, la bande originale de Rachid Bouchareb et de Karim Dridi. On va commencer en 87. Karim, vous écoutiez. Mahmoud Ahmed, c'est ça, Karim? C'est Mahmoud Ahmed, un Éthiopien. Alors, cette musique vous fait baigner quoi dans le tournage de votre premier court-métrage? Non, à l'époque, j'avais envie de tourner déjà un film musical en Éthiopie, parce que j'aime bien faire des documentaires aussi entre chaque fiction. Et j'y suis allé que 10 ans plus tard, après, grâce à Francis Falsetto, qui est le directeur artistique d'une très belle collection qui s'appelle Éthiopique, dont est tiré cet extrait de Mahmoud Ahmed. Et c'est de l'Ethio Jazz, c'est du jazz éthiopien, c'est vraiment une musique que j'adore, elle est pleine de mélancolie, de saveurs de l'Afrique, enfin il y a un truc de fou. Quoi. Ouais, c'est une fusion réussie, absolument. Ouais. Dans cette même période des années 80-85, Rachid Bouchareb, lui, écoute... Les Rolling Stones, c'est pas le titre le plus connu, mais j'adore ce Memory Motel. Oui, c'était une très belle chanson, mais qui a été le moteur de mon premier film. Qui était générique? Oui, et puis qui a été aussi le morceau qui écoutait une génération bien plus âgée que celle-là. D'un groupe de jeunes qui étaient en banlieue parisienne et qui n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils vivaient dans la société française et qui avaient envie de partir en Amérique et d'aller à Bâton Rouge. Parce que la chanson parle de Bâton Rouge. C'est ça. Et tout le film se passe à Bâton Rouge. Trois amis qui s'exilent aux États-Unis pour trouver du boulot. Voilà. 1995, Karim Dridi réalise ses deux premiers longs métrages et écoute. C'est vrai que Salam Aleikum, d'un coup, dit comme ça, ça fait moins peur pour certaines personnes. Hein. Ça groove. Reggae. Jimmy Wade. Ah ouais, j'adore. Ça, c'était la BO de Bye Bye. Ouais. Voilà, et c'était vraiment un moment super de voir Johnny Wade qui jouait. Malheureusement, il n'a pas percé, il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Et moi, cette musique me file la pêche tous les matins. Encore. Ah, ça fait partie de votre BO, c'est vrai? Ouais. La musique a un rôle extrêmement important dans vos films, dans votre vie, oui, et dans Chouf aussi. Mais c'est un déchirement par moment de faire des choix où il y a des évidences en fonction des scènes et en fonction de ce que vous racontez. Non, le choix, c'est notre métier à moi et Rachid. On fait des choix toute la journée. Réalisateur, c'est faire un choix. C'est oui, non, oui, non, oui, non. C'est ça. Donc on aime faire des choix. On est payé pour ça. Donc j'adore faire des choix. D'accord. C'est un déchirement par moment de dire non. Non. D'accord. Pas pour moi. Vous avez reçu le prix spécial du jury au Festival International de Sochi. C'était votre première récompense. Ouais, enfin je l'ai su après, hein, ça. C'était un petit peu. C'est le distributeur qui s'est invité à l'époque sans moi et j'avais gagné 50 000 dollars. Et je l'ai su après. Donc j'ai touché cet argent qu'il voulait se mettre dans la poche. Et c'est grâce à une attachée culturelle qui m'appelle, qui me dit oui, vous avez eu un prix en liquide parce que Slotchi était financé un peu par la mafia russe. Et j'ai eu une enveloppe de 50 000 dollars en billets que j'ai été chercher dans le 16e arrondissement chez un coiffeur pour dames. C'est un film. Ah, c'est dingue. Ouais. C'est un truc de dingue. Marseille a toujours été la toile de fond la ville du métissage, c'est un port, il y a toutes les cultures, il y a des règles différentes que dans le reste de la planète. C'est un autre pays, ouais. Ça ? Ouais, c'est ça, c'est une ville qu'on adore et qu'on déteste en même temps, pour moi c'est la plus belle ville du monde. c'est quand même une ville où la ville fortifiée, les remparts, merci, ont les canons tournés vers la ville et pas vers la mer. C'est ça. Ouais, ouais. C'est dire, il y a toujours eu des doutes qui viennent de la terre, alors que normalement, vous êtes dans n'importe quelle forteresse. On se protège de la mer. C'est vers la mer que les canons sont dirigés et attendent. C'est fou. Et c'est de là où est partie la révolution, la Marseillaise, quand même. Ça vient de là, quoi. Enfin, quand oui. Même. Oui, oui, même si c'est pas les Marseillais. Même si c'est Strasbourg. C'est quand même la Marseillaise, quoi. D'accord. Je vais m'en sortir. Oui, dans ces années-là, Rachid. Vous écoutez. Ça fait goûter là ? Oui, c'est la musique de Poussière de vie. C'est ça, hein ? Oui, absolument. Et c'est le film que vous avez réalisé. Le film sur le Vietnam, la guerre du Vietnam. Sur un jeune métis vietnamien. Oui. Mais le métissage est toujours là, en tout cas. Oui, oui, c'est un film sur l'abandon des milliers d'enfants issus de rencontres entre GI américains et vietnamiennes et la façon dont le pouvoir après a traité ses enfants. Voilà. Ça parle de la guerre du Vietnam aussi. Vous avez, puisqu'on parlait tout à l'heure de récompense avec Karim Dridi, là vous êtes nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. Une nomination aux Oscars, ça vaut une récompense ? Oh, ça vaut surtout un smoking sympa. aller voir les stars de près américaines, c'est le souvenir que je garde. Il paraît qu'il ne faut pas les voir de près, c'est... Ça dépend, il y en a qui sont très sympas. C'est vrai ? Non, c'était un voyage vachement sympa, surtout quand on fait un film comme celui-là. Je ne pensais pas me retrouver dans un voyage comme celui-là. C'est encourageant pour un peu, je dirais, la suite, les choses qu'on a envie de faire. Ça nous ouvre un peu plus. Voilà, on n'a plus de limites. En 2005, Karim Dridi, vous mettez... Alors là, je pense que c'est encore une fois une bande originale. أخرج من البورة البابور قلا أخرج من البورة C'est une BO ou c'est pas une BO ? Non, mais peut-être que je me trompe. Non, mais ça je crois que c'est indigène. C'est Khaled. Ah. C'est le générique. Ah oui, pardon, c'est vous, Rachid. C'est moi qui ai inversé. C'est le générique. Désolé. Autant pour moi pour l'inversion. Alors... Indigène raconte l'histoire de ces quatre engagés volontaires dans l'armée française en 1943 pour combattre les nazis. C'était un film que vous portiez depuis très longtemps ? Ah oui, c'est pour ça que je vous disais, par exemple, Poussière de vie sert quand on va à Hollywood et qu'on est nominé aux Oscars à penser qu'on peut aller dans des aventures comme celle-là 10 ans après. Voilà, c'est ça la relation, je pourrais dire, pour un cinéaste. Et puis c'est un film qui prend une actualité incroyable avec les propos sur les Gaulois aujourd'hui. C'est clairement. Ah oui, c'est formidable. Clairement. Ça donne à réfléchir. La bande originale dont je voulais vous parler, Karim Dridi, la voici. La BO de Cuba Félix. Exactement. Film que vous avez réalisé en 2000, dans lequel vous dessinez une peinture toujours réaliste d'ailleurs de la société, toujours multiraciale. Vous aimez ça, c'est votre combat, c'est votre savoir-faire, c'est votre intelligence. Mais là, ça se passe à Cuba. Pourquoi cette toile de fond ? Parce qu'elle parle, elle a autant de justement d'intérêt, de diversité, de curiosité. Elle éveille autant de curiosité que Marseille, dont vous parliez tout à l'heure. Parce que Cuba, c'est l'île, c'est le pays le plus métissé au monde, où la culture métisse est reine. Oh, il y a le Brésil aussi, il y a plein de coins. Oui, mais c'est plus fort, Cuba, encore. Je trouve que la musique cubaine est vraiment, de mon point de vue, extraordinaire. Et puis, la résistance des Cubains, c'est quand même un truc de fou, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, même si les murs commencent à tomber, là, mais... Bon, voilà. Et j'avais envie d'aller faire mon film à Cuba. Malheureusement, il y a eu un autre film qui s'appelle Buena Vista Social Club qui est passé juste avant. Et on n'a pas pu trop écouter la musique de Cuba Félix, qui est quand même une musique de la rue, quoi, fait par les gens de la rue. Ce que je remarque là, c'est que pour l'instant, ce qu'on écoute entre moi et Rachid, il y a peu de musique gauloise. Hein. nous avons demandé à Philippe Pujol de venir. Philippe, vous êtes journaliste, écrivain français. Merci de venir à notre micro. Vous êtes lauréat du prix Albert Londres en 2014 pour vos articles sur quartier chic, les quartiers nord de Marseille. Vous avez publié La Fabrique du Monstre, 10 ans d'immersion dans les quartiers nord de Marseille, la zone la plus pauvre d'Europe. Vous avez publié French Déconnexion au cœur des trafics en 2014. On disait tout à l'heure que Chouf était un bon film. Est-ce que vous avez pu le le voir. C'est un documentaire ou c'est un film pour vous ? Oui, c'est très très très réaliste, c'est très proche de la réalité. Il y a, ça tourne au détail quand on n'est pas près de la réalité, parce qu'on est dans une temporalité qui est celle du cinéma, qui fait qu'on ne peut pas faire durer le film très longtemps, donc on est obligé de faire des enchaînements de choses qui sont moins réalistes, mais hormis ça, il y a notamment grâce au jeu des acteurs, qui est particulièrement bon, grâce aux dialogues qui sont extrêmement écrits ou alors extrêmement bien improvisés, il faut demander à Karim. Des questions tout de suite, Karim. Écrit, tu le sais quand même, Philippe. Tu sais que c'est écrit, mais en même temps, c'est écrit pendant 3 ans d'atelier, donc c'est écrit pour du sur-mesure, quoi. Où on utilise les expressions, parce que moi, je suis pas marseillais comme Philippe, et même si on est marseillais, on n'a pas le langage typique des quartiers nord, notamment. Oui, il suffit pas de dire on craint des gants pour d'un coup être marseillais. Elle est gazeuse, moi j'ai entendu, elle est gazeuse. Oui, il y a ça, il y a plein d'expressions. Surtout que le langage évolue tout le temps. Ouais. Le langage évolue en permanence dans les cités, même d'une cité à une autre. Donc ça ne simplifie pas les choses. Il n'y a pas de verlan, très très peu. Un peu. Et il y a principalement des mots qui viennent du gitan, de l'arabe et du provençal. Mm-hmm. C'est très rigolo, on a des rebeux ou des gitans qui parlent avec des mots provençaux, ils ne le savent même pas, mais c'est du provençal. Quoi. Quand on est-ce parle d'Ogolo. Si même on va encore plus loin, le chat qui est très à la mode dans le monde et sur Internet et dans le monde entier, ça vient de la tchatche du sud et de la Provence. Donc là, les frontières, heureusement... Encore un centre du monde pour Marseille. Pour la langue n'existe pas. Il y a beaucoup de morts dans le film. Il y en a autant à Marseille par jour. Voilà, c'est là que je voulais dire pour la temporalité. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de morts sur une courte période, mais c'est lié au cinéma. À Marseille, il y a beaucoup de morts, mais pas tant que ça. Quand on regarde bien, cette année, il y a une grosse année avec 25 morts déjà. On risque d'atteindre les 30. C'est une grosse année, mais c'est rien par rapport aux 300 morts qu'on peut avoir à Naples ou 170 qu'on a à Baltimore. Vous parlez d'une grosse année comme un bordelais, comme un bordelais, dirait. C'est terrible, c'est le langage de Fait Diversier. J'ai été Fait Diversier pendant longtemps. Fait Diversier, donc à la rubrique Fait Divers. Ouais. Et c'est vrai que j'ai ce langage de flic aussi. C'est dingue. Ouais. Et complètement, je m'en rends compte d'ailleurs. Il y a un cynisme derrière. C'est ça. Et en même temps, ces morts, sont toujours des gamins, ou même c'est pas des gamins, c'est pareil, c'est toujours dramatique. C'est toujours lié au trafic, c'est toujours... Non, c'est pas toujours lié au trafic. Au règlement de compte, enfin on a l'impression comme ça de l'extérieur que c'est encore un règlement de compte, bon bah ça va, il y en a... Ce qui fait le lien avec les trafics... Mais on banalise cette information. On banalise ça, c'est sûr. Et ce qui fait le lien avec les trafics, c'est la disponibilité des armes. Ça oui, c'est le lien avec les trafics. C'est-à-dire que si on peut avoir une Kalachnikov ou même un 9mm ou quelle que soit l'arme, c'est souvent lié au trafic. Par contre, la cause du règlement de compte n'est pas toujours lié à un trafic. Il y a, moi j'en ai compté une dizaine de causes, mais en gros, il y a, dans les grandes catégories, il y a les vengeances, ça c'est, il y a beaucoup de choses. Ouais, mais des vengeances de quoi ? Dans le monde du trafic, règlement ou règlement de compte Sauf qu'on se venge aussi de choses beaucoup plus anciennes des fois. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui se font la guerre depuis l'après-guerre d'Algérie, et ils ne se rappellent même plus pourquoi font la guerre. On a des familles qui se font la guerre... Mais il y a deux clans qui se détestent, ils ne se rappellent plus pourquoi. Et on pense que c'est sur la drogue, mais pas forcément, pas toujours. Dans French Connection, vous dites, vous faites parler, enfin, y a une personne qui témoigne et qui dit, on dit qu'on ne peut pas entrer dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir. Ça illustre Pu rentrer pour faire un film qui n'était pas le plus simple à faire. C'est pas fait en studio, c'est fait à la cité de la Busserine, qui est une cité à la fois accessible et à la fois pas toujours facile non plus. Et en effet, les gamins de la Busserine, par contre, s'ils veulent avoir une carrière en quoi que ce soit, ça va être plus compliqué quand même d'en sortir. Parce que le héros n'arrive pas à en sortir, mais finalement. Complètement, c'est le plafond de verre. Mm-hmm. Ils sont pris sous un plafond de verre. Donc, ils font leur vie, ils construisent leur monde sous ce plafond de verre. Certains tombent dans la délinquance, c'est ce que filme Karim, et certains vont partir dans d'autres radicalisations, et certains vont aussi essayer de se battre pour avoir un métier, tout simplement. Il y en a qui arrivent, mais ça sera toujours autour de la sécurité, médiateur, où on va avoir aussi tout ce qui touche les commerces, parce qu'il y a toujours des centres commerciaux dans le coin. Ils ont conscience de ça ? Ah bah oui, ils s'en sont plus que conscients. Moi, quand je vais dans une cité, la première chose qu'ils me disent, c'est « Oh, le français, est-ce que tu as un CDI ?» Ou « Oh, le journaliste, est-ce que tu as un Frédéric ?» Ou alors « Oh, Frédéric, est-ce que tu as un CDI ?» Parce qu'un français, pour eux, s'appelle Frédéric. C'est un Frédéric. Ils appellent ça un Frédéric. Et donc c'est en Belgique, c'est un Guillaume. Normalement, c'est plutôt un Guillaume, mais Frédéric, c'est un prénom allemand, c'est rigolo que vous ayez choisi celui-là. Mais en attendant, pour eux, c'est un Frédéric. courant. ils ont suivi une histoire. Et le rôle de la police est également particulier dans le film. Il y a deux genres de police. Il y a celle qui est imprégnée de la loi du quartier, qui profite un tout petit peu de ses règles. Et puis il y a celle parce qu'il y a un nouveau préfet qui vient et qui veut mettre de l'ordre et qui fait des descentes de flics. Il y a vraiment ces zones de non-droit où la police ne va pas. Je dis pas zone de non-droit, je dis zone de tous les droits. C'est pas la même chose. Et parce qu'au contraire, ils sont ultra soumis à toute la règle dans ces cités. C'est-à-dire qu'ils ont plus de flics qui vont venir les voir que quand on vit dans un quartier plus central. Je parle de classe moyenne, quoi. Hein. Et ils ont un rapport à la règle qui est permanent, qui est quotidien. La moindre mère de famille connaît des termes judiciaires que la plupart des gens connaissent pas. On est confronté à la justice et à la police beaucoup plus. Les flics rentrent à peu près quand ils veulent, mais c'est sûr que quand ils viennent en masse, ben, ça provoque une réaction. Comme si c'était de la provocation. Il y a une unité de police. Et puis il y a ces phrases, on est chez nous. Chez nous, c'est son propre territoire. Je parlais du plafond de verre, ils sont chez eux dans leur plafond de verre. Et donc, il y a une police qui, en effet, vient un petit peu jouer les cow-boys, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des polices qui font de la prévention. À Marseille, il y a la dernière unité de prévention urbaine, celle que Sarkozy avait dégagée en disant « vous jouez au foot ». C'est une connerie sans nom, parce qu'en fait, ces flics-là, ils sont super efficaces. Ils sont en milieu ouvert, c'est-à-dire qu'ils arrivent en disant policiers. C'est une vraie proximité. Une vraie compréhension. Mais surtout, ils comprennent ce qui se passe, et quand il y a un minot qui glisse quelque part, ils essaient de trouver une solution avec l'entourage pour voir comment on peut l'empêcher de glisser. Je pense qu'ils sauvent énormément de vies à l'année, mais c'est pas comptabilisable. Tout à l'heure, on parlait donc de l'importance de l'éducation. Alors, l'école est pas très présente à part les études, enfin, elle est même, extrêmement présente pour les études de Sofiane, mais le rôle de papa et maman. Moi, je trouve ça tellement important, le rôle de papa-maman qui est bien présent dans le film, mais je trouve ça tellement important dans la vie. Est-ce que les mères ont aussi leur pouvoir? Parce qu'il y a une scène très forte dans le film où une maman va carrément gifler l'un des membres d'un gang qui n'ose pas évidemment répondre, qui ne fait rien, mais qui se prend une gifle comme un minot, quoi, qui s'est mal comporté. Ça arrive, mais il y a des sanctions derrière. Pas forcément une sanction physique, mais dans le film, quelque part, il y a des sanctions. On ne va pas en dire trop, mais il y a des sanctions. Et les mères, les parents, parce qu'il y a les pères aussi, sauf que dans les cités, dans la culture musulmane, culture rebeu, enfin culture de cité, c'est même pas musulman d'ailleurs, c'est une culture de cité, c'est les mamans qui ont la délégation de la parole, c'est les mamans qui s'expriment. Les papas, ça veut pas dire qu'ils font rien, c'est qu'ils sont en retrait. Ils vont pas s'exprimer auprès des médias. Mais les parents, souvent, quand un gamin glisse, parce que là, ce film s'intéresse à ceux qui glissent, on s'intéresse pas à ceux qui glissent pas, parce que ça fait pas un film sympa, tout simplement, eh bien, ceux-là, ces parents-là, n'ont pas le pouvoir de dire non. Ce sont toujours les vulnérables qui vont tomber du côté de la délinquance, et ils n'ont pas le pouvoir pour plein de raisons. Ça ne veut pas dire qu'ils n'essayent pas, mais le gamin, pour plusieurs raisons, arrive à avoir le dessus sur eux. Moi, je suis dans La Fabrique du Monstre, dans mon livre La Fabrique du Monstre, je suis une famille, la famille Berouag. Aux éditions Les Arènes, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Et la famille Berouag a tout fait pour empêcher de glisser le fiston, et le fiston, pour autant, il est devenu un petit caïd qui finit mal, quoi. Et pourtant, elle a tout fait, la maman, pour l'empêcher. C'est pas si simple, c'est pas de la volonté des parents. 10 ans d'immersion dans les quartiers nord de Marseille, parmi les plus inégalitaires de France, vous dites. Ils sont abandonnés quand même. La fabrique du monstre. Ça relève de l'abandon, ils sont pires qu'abandonnés, ils sont utilisés. C'est-à-dire qu'ils sont utilisés à des fins politiques. Ce sont des réservoirs de voix. On arrive très facilement, assez facilement à les acheter, puisque comme ils n'ont rien, on les achète avec pas grand-chose. Et en même temps, l'extrême droite s'en sert aussi pour monter. Ils arrivent à recruter, sur fond d'antisémitisme, dans les cités de plus en plus. Peut-être moins à Marseille qu'ailleurs, mais quand même. Donc c'est pas abandonné, c'est utilisé. C'est bien pire. Ouais, ma constat. Vous estampillez marseillais et crédible, le film chauffe. Pour moi, le film Chouf, c'est un film de gangster, pour commencer, déjà. C'est un film à la Scorsese, quoi. C'est un film de gangster, pour commencer. Et ensuite, dans un second temps, c'est un film type documentaire, on va dire. Mais c'est surtout un film où ça défouraille un peu, ça tire, il y a des intrigues, il se passe des trucs, on rigole, il y a beaucoup de choses, quoi. C'est émouvant. Puis il y a une jolie histoire d'amour aussi. Merci mille fois, Philippe, d'être venu à ce micro, La Fabrique du Monstre, aux éditions Les Arènes. Daniel Morin, vous qui savez tout, que faut-il faire pour que Marseille ait enfin droit à une vie normale, apaisée, tranquille. Ouh, encore une fois, bingo, la question qui brille. Malheureusement, aussi brillante soit votre question, monsieur Guy, dans l'affaire qui nous concerne, votre question est malheureusement incomplète. La bonne question est, comment faire pour que Marseille ait enfin droit à une vie normale et apaisée? hors de France? Voilà la vraie question. Mais arrêtons de nous voiler la face, monsieur Guy. La sordide évidence est sous nos yeux larmoyant depuis déjà fort longtemps. Même si ce matin, avant d'arriver à la radio, sur un coup de tête, vous vous êtes acheté une Rolls et les deux putes russes pour aller derrière, nous sommes en période de crise. Et garder Marseille et ses quartiers nord en période de crise n'est pas une bonne idée. Nous avons besoin d'ordre, de structure. Et stratégiquement, c'est une erreur, le nord de Marseille. Le sud de Marseille aussi, si vous voulez, le fond de ma pensée. Le cœur de la ville n'est pas très sain non plus. Alors, tant qu'on y est, débarrassons-nous de Marseille, comme ça, pas de jaloux, remplaçons Marseille par je ne sais pas quoi. Neuilly, par exemple, voilà. C'est bien Neuilly en période de crise. Ça donne un bon exemple de réussite. Ça encourage l'esprit d'initiative. Imaginez sur les marchés. Hey, mamie Bettencourt, qu'est-ce qui se passe? T'as pas assez 100 000 euros pour un business? Si, passe à la maison, je te donne une enveloppe. Vous voyez, avec ça, on relance le commerce. Que faire de Marseille si on met Neuilly à sa place, vous me direz? Bonne question. Eh bien, on donne Marseille à l'Albanie. Voilà, en Albanie, il n'y a pas de quartier pauvre, c'est tout le pays qui est dans la misère. Du coup, ça fera pas tâche et tout le monde sera content. Et si l'Albanie s'appelait pas Marseillais et qu'ils veulent revenir en France, on dit quoi, me direz-vous? Eh bien, on dit non. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que... On est chez nous. On est chez nous. Voilà, mon bon monsieur Guy, démonstration est faite qu'une fois de plus, malgré vos efforts, vous avez dit... N'importe quoi. Merci Daniel Morin. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Voici Phil Nicoy dans la bande originale avec Sunday Shining. Make it! Stéphine Nicoué dans la bande originale, 80... Moi j'aurais dit 95, 16. Oh, peut-être un peu plus haut. Non, ah bon, d'accord. Non, non, je sais pas. Moi, je voyais ça en octobre 97. C'était en 97. Bon, là, c'est ça, c'est ça. Vous êtes un escroc. À mardi. À mardi, vers 16h15. Vous êtes bien dans la bande originale. Nous parlons de Chouf, le film qui sortira le 5 octobre prochain, réalisé par Karim Dridi, produit par Rachid Boucharev. Les deux sont nos invités jusqu'à midi et demi. Les samedis matins sur France Inter. Ok. À partir de 10h, on aura tout vu, le magazine de cinéma de France Inter. Christine Masson. Cinéaste maudit, cinéaste culte, Michael Cimino, disparu au début de l'été, retour sur une œuvre et son voyage au bout de l'enfer. Oh, ce gars a that stupid gun he carries around, like John Wayne. Laurent Delmas. Pour évoquer Cimino, deux cinéastes français invités, Christophe Gans et Nicolas Saada. On aura tout vu le samedi matin sur France Inter à partir de 10h. Disponible aussi à la réécoute. Et en podcast sur franceinter.fr. À demain. Moi, c'est Marc. Et mon boulot, d'habitude, c'est d'aider les gens à identifier les travaux de rénovation qu'ils peuvent faire chez eux, les accompagner dans leur démarche et les informer sur les aides dont ils peuvent bénéficier. Alors, si un jour on m'avait dit que j'allais faire de la radio... Quelle que soit votre situation, des aides de l'État existent pour rénover votre logement. Contactez un conseiller rénovation infoservice près de chez vous sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou 0808 800 700. Service gratuit plus prix de l'appel. Et du 6 au 9 octobre, profitez aussi de la fête de l'énergie pour rencontrer un conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Vous êtes bien sur Inter, il est midi. Laetitia Gaillet pour vous informer. Shimon Peres repose désormais à Jérusalem. Le cercueil du prix Nobel de la paix était mis en terre en fin de matinée au cimetière national du Mont Herzl. Une inhumation à l'issue d'une longue cérémonie où de nombreuses personnalités ont pris la parole. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, Bill Clinton, l'ancien président américain et Barack Obama, l'actuel. Et les mots choisis ont été élogieux. Christophe Chéneau, vous êtes en direct de Jérusalem. Oui, c'est à 8h45 que le cercueil de Shimon Peres est arrivé au Mont Herzl, porté par des soldats israéliens. Des psaumes ont alors retenti sous l'immense tente de toile où étaient rassemblés plus de 400 chefs d'État et dignitaires étrangers. Le cercueil, enveloppé dans un drapeau israélien, a ensuite été placé au centre de la scène. L'ironie du sort veut que ce soit ses anciens adversaires politiques du Likoud qui lui ont rendu hommage. D'abord le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, puis le Premier ministre Benjamin Netanyahou et enfin le président de la Knesset. Tous ont salué l'homme d'État, le dernier géant des fondateurs de l'État hébreu. Après ses enfants et ses petits-enfants, c'est son partenaire de paix, le président Clinton, qui a pris la parole, visiblement ému, la gorge nouée. Il a salué le courage politique de Shimon Peres et son côté visionnaire que certains prenaient à tort pour de la naïveté à Bill Clinton. Enfin, Barack Obama a clôturé la série de discours officiels rappelant les étapes de la vie de Shimon Peres, mais insistant surtout pour que les nouvelles générations d'Israéliennes reprennent le flambeau de la paix, une idée pour laquelle s'est tant battu Shimon Peres, qui repose désormais aux côtés d'Israël Rabin. À Jérusalem, Christian Chéneau, France Inter. Il assure qu'il aurait renoncé à son projet. Un collégien de 15 ans est soupçonné d'avoir voulu commettre une attaque djihadiste et c'est pour cette raison qu'il a été déféré devant la justice ce matin en vue d'une mise en examen. L'ado était en classe de 3e, il était inconnu des services de renseignement, mais c'est sur la messagerie Telegram qu'il a été repéré et donc arrêté mercredi. Il était en contact avec Rachid Kassim, un Français soupçonné de téléguider à distance ses émules depuis la zone irako-syrienne. Il était aussi en relation, ce jeune homme, avec cet autre adolescent de 14 ans arrêté lui, mi-septembre à Paris. Si je gagne, je rassemblerai ma famille. Si je perds, je serai derrière le gagnant, même si c'est Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé dans le texte qui justifie aujourd'hui son choix par le fait qu'il ne veut pas voir la gauche refaire un deuxième quinquennat, je cite, désastreux. Quant à Nicolas Sarkozy, qu'il accuse d'être candidat pour échapper à la justice, Jean-François Copé met quand même en garde contre une vulnérabilité de la droite si l'ancien chef de l'État remportait la primaire des Républicains. Elles avaient été volées en 2002. Deux œuvres de Van Gogh ont été retrouvées par la police italienne à Naples, annonce du musée Van Gogh d'Amsterdam aujourd'hui. Paysage de mer près de Scheveningen et sortie de l'église réformée de Nuenen avaient été peintes par l'artiste au début de sa carrière. Ces deux peintures sont estimées aujourd'hui à plusieurs millions d'euros. Facebook en langue corse. À partir d'aujourd'hui, les corsophones pourront s'exprimer dans la langue corse sur le réseau social. Facebook est désormais disponible en 101 langues. C'est peu de dire que Rosetta vit sa dernière heure. À 13h18, la sonde s'écrasera sur la comète Chury, celle-là même où elle avait aidé à déposer le robot Philae il y a 2 ans. Rosetta aura donc vécu 12 ans, aura parcouru près de 8 milliards de kilomètres. Sa fin met un terme à une expérience qui a permis de mieux comprendre les comètes, mais aussi d'avancer dans la compréhension de la formation du système solaire. Alors comment vont se dérouler ces dernières minutes de descente jusqu'à Chury? Sophie Bécherel a posé la question à Sylvain Lodiot, le pilote de la sonde Rosetta. Pour une telle mission planétaire, on stocke toutes les instructions, toutes les commandes à bord et elles exécutent au fur et à mesure. C'est une descente, pratiquement en ligne droite en effet. On part d'environ 30 cm par seconde. Après, la gravité de la comète va nous accélérer et on va atterrir avec une vitesse d'environ 90 cm par seconde. C'est à peu près la moitié de la vitesse de marche normale. C'est une région qui s'appelle les trous de Mahat. Ce sont les scientifiques qui ont choisi cette destination finale parce qu'ils sont très curieux par ces structures assez compliquées et ils aimeraient pouvoir les voir d'assez proche. Ce qui nous intéresse ici, c'est pratiquement les 2 derniers kilomètres parce qu'on n'a jamais été en dessous de ces distances. Notre record, c'est 1,7 km de la surface. C'est émouvant, c'est triste. On a passé énormément de jours, énormément de nuits, de week-ends à travailler sur Rosetta. Donc c'est la fin d'une aventure unique et magique et spectaculaire et audacieuse. Voilà. Et pour parler tout à l'heure de Rosetta, dans le journal de 13h, Bruno Duvic recevra l'astrophysicien Jean-Pierre Bibring. On attendait la date pour le dossier Alstom. Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'industrie, l'annonce aujourd'hui. Ce sera mardi, une réunion entre membres du gouvernement, les syndicats et la direction, probablement sur le site de Belfort que la direction d'Alstom avait promis à la fermeture d'ici 2018. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 13h, mais pour l'instant sur France Inter, il est 12h05. Du lundi au vendredi soir sur France Inter, l'heure bleue, à partir de 20h, l'espace des possibles, Laure Adler. Ils sont écrivains, philosophes, architectes, cinéastes, historiens, metteurs en scène et chaque soir, ils viendront nous parler de leur passion. L'heure bleue, ce soir sur France Inter, à partir de 20h. François Morel. Ce baiser, vous souvenez-vous, que vous m'aviez un jour donné. J'aimerais pouvoir entre nous ce soir vous le restituer. Retrouvez toute la malice et l'émotion de François Morel dans son nouvel album de chansons. La bande originale, deuxième partie, c'est avec Nagui et toute la bande justement. Merci Laetitia, à tout à l'heure pour d'autres infos. Il y aura évidemment le journal de 13h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadrboudadi. Bonjour à tous. Daniel Morin. Oui, bravo Daniel. Guillermo Ruiz. Absolument, bravo. Albert Algou. Bonjour. Et Charles Ornac. Oui, oui, oui. Nos invités, Rachid Bouchareb et Karim Zidi. Nous parlons de Chouf, ce film qui sortira le 5 octobre. Est-ce que vous avez pensé à mettre un sous-titre, une baseline comme on dit, c'est-à-dire, je sais pas, marquer Chouf avec en dessous la vraie vie à Marseille ou une nouvelle règle. Plus moche la vie. Non, ouais, il y avait un. J'y ai pensé. Je voulais qu'on mette. Il y a pas de Mennick, la route est droite. C'est ce que dit le père à un moment donné. Il n'y a pas de Mennick, ça veut dire qu'il n'y a pas de zigzag. Il faut être honnête. La route est droite. Puis en fin de compte, on s'est dit non, Chouf, ça suffit. Non mais ça, non, puis c'est fort comme titre parce que on peut l'entendre et puis même ceux qui parlent pas l'arabe entendent cette expression, finissent par la comprendre et qu'elle veut tout dire, c'est-à-dire qu'elle veut aussi bien dire regarde, enfin il y a un côté carpe diem, il y a aussi le côté fais gaffe. Y a aussi vous téléspectateurs, enfin vous regardez le film, regardez ce qui se passe. Exactement, regardez ce qui se passe là-bas. Alors justement, ce qui se passe là-bas, il y a du suspense, il y a cette valeur de presque de documentaire dont on parlait tout à l'heure avec Philippe Pujol qui est resté à nos côtés. Il y a en toile de fond quand même un trafic qui est organisé avec des règles bien précise, qui dit règle, dit franchissement de limites et de lignes et règlement de compte. Mais la drogue est l'une des toiles de fond. Oui, c'est l'une des toiles de fond. Mais la question que pose le film, c'est pourquoi on vend de la drogue dans ces cités, dans ces ghettos? Et qui consomme cette drogue? Et ça, on le voit dans le supermarché, dans le fast-food qui prend l'idée sur le McDonald's, sur le driving McDonald's. C'est la ménagère, c'est la dentiste, c'est tout le monde. Parce qu'il y a des milliers de tonnes de shit qui sont consommées en France. Et ce ne sont pas les gens des quartiers qui les consomment. C'est tout le monde. C'est les fils de docteurs, de réalisateurs, de boulangers, de tout le monde. C'est toute la société. Est-ce que la solution, c'est de dire il faut libérer le commerce? La solution, déjà, ça me fait marrer un petit peu parce que souvent on me demande mais c'est quoi la solution? Comme si un cinéaste donnait des solutions. Moi, je suis là pour poser. Vous avez forcément une opinion? Non, j'ai une opinion. C'est pas forcément une solution. Si on me demande mon avis, c'est déjà donner du boulot dans ces zones. Dans ces cités qui existent depuis quand aussi, on se pose aussi cette question, depuis quand existent ces cités? On a parlé de la guerre d'Algérie, mais c'est vrai, ces cités existent depuis 1962, fin de la guerre d'Algérie, avant c'était des bidonvilles, Rachid en sait bien quelque chose, et puis les cités de transit et tout ça, et un amassement, une accumulation de misère, et qui provoque ça. Philippe Pujol, vous qui, encore une fois, avez baigné, et vous êtes marseillais? Je suis marseillais. Voilà. Et qui baignait dans cette ville qui est une belle ville. Faut parce que quand oui, on je en suis parle, chauvin, moi aussi, la plus belle. Quand aussi. On en parle. Non, mais. Vous avez des activités illicites à Marseille? Non, c'était vous pas même, ça ma question. Illicite? Non. Illicite? Oh, ben, ouais. Le simple fait d'être journaliste, déjà, c'est régulièrement la loi. Hein, j'ai envie de vous poser cette question bête que je viens de poser à Karim Dridi. Est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution. Il y a plusieurs solutions. C'est-à-dire, il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie, mais en effet, la légalisation, c'est un premier pas, mais ça suffira pas, parce qu'il y a un manque à gagner. C'est-à-dire que quand on fait une opération coup de poing et une opération, ils appellent ça globale dans une cité, c'est-à-dire qu'on empêche le trafic pendant un mois dans une cité, le mois d'après, il y a 40% d'impayés dans les loyers. Donc on voit que l'argent sert aussi à ça. Pas seulement à engraisser deux, trois dealers, parce que la plupart ne gagnent pas tant que ça. Mais donc il faudra trouver un manque à gagner qui passe par le travail. Et en gros, moi je pense qu'il faut arrêter de considérer les quartiers populaires, dit quartier nord, mais quartier nord finalement ça marche partout. La banlieue parisienne, c'est quartier nord, absolument. C'est ce label. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Et donc quand on arrêtera de les considérer comme quelque chose de différent et qu'on les intégrera dans l'ensemble du projet de société, on aura gagné. Et en effet, un des éléments, c'est la légalisation, c'est sûr. Ouais. Mais il en faudra d'autres. Et puis l'autre élément, moi j'y tiens particulièrement, c'est l'éducation, c'est la culture. L'encadrement, la culture. La culture, énormément. Exactement. Aux États-Unis, à Harlem, ils ont réussi à régler une partie des problèmes en y mettant énormément de jazz, ouais. Énormément de musique, énormément de choses. Non, et puis il y a des talents, il y a des intelligences, parce que Sofiane est extrêmement intelligent, il est brillant, parce que... Il y a de tout, il y a même des journalistes, à mon avis, on peut trouver très très bons journalistes à former. Mais j'en suis sûr, il y a les scientifiques, il n'y a pas que des footballeurs, et moi aussi je pourrais former des réalisateurs aussi avec Rachid, on pourrait faire ça. On peut trouver des tas de gens magnifiques dans... Non mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce que moi j'ai découvert dans le film, c'est que c'est quand même des entreprises, hein, des petites entreprises, parce qu'il y a un paquet de salariés, puisque le salarié qui démarre, le premier emploi, soit, je crois que c'est d'être chouf. Mmh. Et puis après, on grimpe, quoi. Donc, même les trafiquants, à un moment, ceux qui sont en haut, c'est des chefs de PME. Hein, il y a une discipline, il y a des horaires de travail, et puis il y a de la promotion. Puis travailler plus pour gagner plus. Ouais, vous avez tourné dans les quartiers nord de Marseille. À la Busserine, oui. Et là, est-ce que c'était facile de filmer avec des kalachnikovs, avec des détonations, avec des scènes de crime? C'était très facile parce qu'on tourne ou on ne tourne pas. Le plus difficile, c'est de se faire accepter par les gens. La première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir les associations de femmes. Et parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les quartiers qui ont perdu des enfants suite à ces guerres fratricides, qui ont perdu des maris, des frères, et c'était d'aller les voir pour leur expliquer que je venais pas faire mon beurre sur le sang de leurs enfants, et leur faire lire le scénario et avoir leur support. Donc leur, il fallait leur ressentiment, être accepté réellement par ces femmes. Une fois que j'avais gagné le cœur des femmes, si je peux m'exprimer comme ça, eh bien j'avais gagné un bon 70... Le cœur des hommes. Oui, le cœur des hommes, de leurs fils. C'est ça. Et de leurs maris, quand ils avaient des maris, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de mari, qui élèvent leurs enfants seules, et on le voit dans le film. Donc c'est avoir l'assentiment, la protection de la population. Après, les dealers, à partir du moment où on ne s'occupe pas de leur business et qu'on ne filme pas dans leur direction, ça marche. Le plus grand ils danger... Il n'y a pas ce sentiment « tu viens faire de l'argent sur nos histoires » Non, parce même, que... Même si on le sait, ce n'est pas forcément le film qui sera, pardon, le plus rentable de l'année, mais vous faites ça... Pourquoi vous dites ça? On ne sait jamais. Hein. Je vous le souhaite, mais vous l'avez dit tout à l'heure. Ça va être dur, mais je pense que ce film peut intéresser pas mal de gens. Je le souhaite, oui. Nous, il nous a passionnés, en tout cas. Moi, j'ai fait 8 longs-métrages, et c'est la première fois que je vois, dans toutes les tournées que je fais en France... Il peut intéresser les gens des quartiers, il intéresse énormément les jeunes des quartiers qui comprennent instantanément le langage et en même temps il intéresse des gens qui sont pas du tout issus de ces endroits, peut-être par curiosité, mais aussi parce qu'ils ont peut-être envie de voir autre chose de ce qu'on leur montre tous les jours dans les médias, quoi, l'inverse du médiatique. Du journal, des infos, oui. La manière dont les médias profitent. Cette fois-ci, je vous libère vraiment, Philippe Pujol. Détachez-le, s'il vous plaît. C'est bon, il faut y aller. C'est bon, circulez. Voici l'humeur de Daniel Morin. Aujourd'hui, les amis, c'est la Saint-Jérôme. À la Saint-Jérôme venue, sort ta charrue. Merci, mon père. De rien. Oui, c'est la Saint-Jérôme. Un petit dicton comme ça, ça fait pas de mal. Alors... C'est comment un Jérôme? Ça donne quoi les gens qui s'appellent Jérôme? Eh bien, quand on se réfère à l'actualité avec Jérôme Cahuzac, Jérôme Kerviel, on peut le dire sans trop se tromper, les Jérômes, c'est une belle bande de salopards. Oh, mais arrête de dire n'importe quoi, Daniel! Comment ça? Et c'est Jérôme alors? C'est de la merde peut-être? Bah, c'est pas top non plus. Oh, mais tu es con comme un chien sans truffe! Écoute-moi ça! Oui, Jérôme, c'est moi. Oui, c'est sûr, c'est beau, mais... Y'a pas de quoi non plus faire taratata. Mais dans taratata. Oui, quoi taratata? Y'a de la merde. Mais non. Et ça, c'est du caviar. Il est où le bonheur? Oui, c'est bon, c'est vrai, des fois y'a un manque d'exigence. Alors, c'est non. Jérôme? Dis donc. Alors, c'est Jérôme? Oui, bon, c'était pas mal. Merci pour votre participation, François. Salut! Merci. Dans le reste de l'actualité, il y a bien sûr l'affaire du livre de Patrick Buisson qui défonce ce pauvre Nicolas Sarkozy. Une bien sale affaire qui arrive, comme par hasard, en pleine campagne pour la primaire de la droite. Comment Nicolas Sarkozy va-t-il... C'est Jérôme, c'était aussi! Et tu danses avec... Oui, bon, ça va, on est passé à autre chose, François. Moi, quand j'écoute cette chanson, ça me donne envie de chialer. Comme une otarie, ça me rappelle de douloureuses ruptures. Vous avez connu l'amour, François? L'amour physique, non. Je suis vierge comme une pucelle. Hein. Mais je parle de l'amour, le vrai, celui avec des sentiments, pas avec le zizi. C'est tout? Pour le moment, c'est fini! J'en étais au moins avec l'actualité avec Sarkozy. Bon, de toute façon, on n'a plus vraiment le temps. Bon, allez, parlons donc de nos invités avec, qui sont venus nous voir pour un film dur, un film coup de poing sur la vie dans les quartiers nord de Marseille. À ce propos, je vais demander son témoignage à un homme qui a connu le danger quand il habitait dans les quartiers nord de Limoges. Quand il était à la retraite, c'est le maréchal Ganache qui aujourd'hui participe beaucoup à l'émission. Bonjour, oui. Maréchal. Comment ça? Qui aujourd'hui participe beaucoup à l'émission. Bah oui, c'est quand même votre deuxième attaque. Alors, non, mais je dirais. La c'est... ferme. Je vois bien que vous êtes en train d'insinuer que je prends trop de place. Mais ta gueule. Je vous préviens, j'ai signé un contrat en CDI. Oh. J'interviens quand et comme je veux. Je veux parler. Toute l'émission, si ça me chante. Là, ça risque de faire un petit peu trop. Hein. J'ai signé ce contrat avec le président de Radio France en personne, monsieur Mathieu Gallette. On dit Gallet. Oui. Écoutez, en français, bordel de Dieu, on prononce toute la lettre, bande d'incultes. Bon, le prenez pas mal, Maréchal. Je le prends comme je veux. D'ailleurs, je le prends plus, je m'en vais. J'ai mieux à faire que de me faire humilier par des gens foutres comme vous. Vous ne savez pas ce que vous perdez. J'allais vous raconter comment un jour, capturé par un chef de bande algéro-japonais, Karim Mouazabi, j'avais subi le martyr le plus humiliant qu'un homme puisse connaître. Wasabi m'avait amputé de 2 tranches de cul pour faire des sushis merguez. Ah bah non, allez-y, racontez-nous. Non, allez. Trop tard, salutations. Contre les Viennes. Bon, ben, je sais pas, on va parler football alors. Et hier soir, alors le Paris Saint-Germain avait... Oh, et ça, c'est pas génial! Oh non, ça suffit, c'est Jérôme maintenant. Allez, on arrête. Ma parole, mais tu n'aimes pas le musical. C'est une chanson magique. C'est l'histoire d'un homme qui veut un bisou. Mais la fille américaine est cruelle. Cette salope, elle veut plus l'embrasser. Alors une chante son désespoir. Et vous trouvez ça bien? Mais il y a mille fois pire. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je crois que je vois bien, François, François. Bon week-end, à lundi. C'est très bien. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Merci d'avoir fait la promotion aussi, Albert Algou et Daniel Morin, de Taratata, qui passe ce soir à 22h30. C'est laquelle? Avec Alicia Keys, Dionysos, Miossec, Jeanne Haddad et Black M, entre autres. C'est la diversité qui a rendez-vous en musique et en live ce soir. Ça va être bien. Oui. Et voici le brouillon de culture de Léa, spécial pour Karim Dridi et Rachid Bojara, nos invités. Bah oui, il faut qu'il y ait un moment, il faut que tu parles. Mais hein. Je sais, mais je sais bien que la musique. Non, pas du tout. T'as des droits d'auteur? Aucun, sur... aucun. Okay. Karim Dridi, pardon, et Rachid Bouchareb, je vous sors un petit peu de la promo. C'est votre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence avec un son pour vous, Karim. Je suis Mia Morsad. Anna Durzi. C'est le teaser de votre documentaire Quatuor Galilée que vous avez réalisé en 2014. Vous nous en parlez un petit peu? Oui, oui, c'est un film sur une famille de quatre musiciens, jeunes musiciens palestiniens, druzes palestiniens, qui vivent dans le nord d'Israël et qui, l'histoire, c'est Omar, que je suis pendant 2 ans et qui refuse d'aller faire son service militaire en Israël pour l'armée israélienne. Et je vais le suivre, cette famille. C'est essentiellement un film familial qui plairait peut-être à Nagui, puisque ça parle de ses valeurs, là, et de la musique. Et pas qu'à moi, parce que c'est des valeurs essentielles. Voilà. Et c'est aussi un film qui montre les Palestiniens comme on n'a pas l'habitude de les voir, notamment les druzes palestiniens. Mm-hmm. Et on suit Omar pendant 2 ans, jusqu'à son incarcération. Je le suis jusqu'à la porte de sa prison. Le film se finit là-dessus, d'ailleurs. Il est incarcéré parce qu'il a refusé... Il a refusé... De faire son service militaire. Oui, alors en France, on a les objecteurs de conscience. Maintenant, on a une armée professionnelle, donc on n'est pas obligé de faire le service militaire. Alors que lui dit non, moi je suis palestinien, je suis musicien, je veux pas porter une arme. Mon arme, c'est le violon, je suis contre la guerre. Et du coup, il se fait aider, même par de jeunes israéliens juifs, oui, de confession juive, qui l'aident et qui vont en prison aussi, parce qu'il y a beaucoup de refusniks qui vont en prison. Donc j'ai fait ce film, c'était galère. J'aurais dû venir voir Rachid, il m'aurait t'aider. Donc il n'y a que les Corses qui m'ont aidé, et c'est passé sur France 3 Corse, comme quoi, mm-hmm, les Corses, des fois, c'est vrai. Et quoi, voilà. Des fois quoi? Bah, des fois. Voilà. Il ne faut jamais faire de généralité. Mais bien sûr, c'est pour ça la preuve que ils sont capables. Je viens de recevoir un autre texto, on veut vous voir juste après l'émission. Monsieur Squarcini. Ancien patron. C'est le mec à voir en ce moment. Ouais. Et filmer la vraie vie, en fait, vous dites souvent, voilà, je fais un film, une fiction, un documentaire, donc filmer la vraie vie, c'est quelque chose qui... C'est un prolongement du cinéma, c'est important pour vous d'être dans cette dynamique, cette alternance? C'est du cinéma, le documentaire, Flaherty, Jean Rouch, pour citer qu'eux, mais même Ken Loach fait aussi du documentaire, Rachid fait des documentaires. Mm-hmm. C'est pas le cinéma versus le documentaire. Le documentaire, l'entrée du train en gare, c'était un documentaire. Donc les premiers films, le cinéma, c'est aussi du documentaire. On poursuit avec vous, Rachid Bouchareb. I've been away for half my life. It's just a stupid mistake. So what's your next caper? All I'm looking for is a simple life. Welcome home, Billy. C'est le début de la bande-annonce de La Voix de l'ennemi, un film inspiré de Deux hommes dans la ville, de José Giovanni, porté par Gabin Delon. Et là, c'est avec Forest Whitaker et Harvey Keitel. Vous vous retrouvez à filmer ces deux grands acteurs américains. Est-ce que à ce moment-là, vous repensez au gamin que vous étiez, à ce gamin, à Bobigny? Et vous vous dites, qu'est-ce que vous dites dans ces moments-là? Ben, je sais pas, c'est qu'est-ce que je me dis? Bah, je me dis qu'il y a pas mal d'années sont passées quand même. Et que les bons souvenirs de ma jeunesse et de mon enfance me manquent toujours. Hein. Et bon, bah, c'est un voyage. C'est quoi ces bons souvenirs de votre enfance, Rachid Bouchareb? Bah, c'est l'insouciance, quoi. Des fois, quand je me promène dans Paris et que je vois des gens beaucoup plus jeunes que moi qui sont assis aux terrasses, personne ne les entre guillemets, il n'y a rien, ils n'ont aucune pression. Mmh. Moi, si je me mets à une terrasse de café aujourd'hui, voilà, j'ai un horaire, j'ai un emploi du temps, quoi. J'ai perdu cette liberté que j'ai envie par moment de retrouver. Et puis, donc, ça ne répond pas à votre question, mais c'est une question intéressante. Quoi d'autre à dire? Je dirais que c'est des projets qu'on a comme ça. J'avais rencontré Forest Whitaker il y a quelques années. Il avait vu Indigène, il avait vu Hors-la-Loi, et on s'était dit, suite à une rencontre comme ça aux États-Unis, qu'on allait faire un film un jour ensemble. Et puis un jour, j'ai eu un sujet que j'ai adapté, qui est celui de Deux hommes dans la ville, mais qui est devenu plus un film sur un prisonnier afro-américain qui se convertit à l'islam, près de la frontière mexicaine, avec la construction du mur, qui est d'actualité avec Trump aujourd'hui. Et voilà, c'était une belle aventure. Et pour finir, mon conseil culture, mon cadeau, c'est le Cantique des Cantiques, aux éditions Diane de Cellier. C'est un retour sur ce texte qui remonte au 5e, au 7e et 8e siècle avant Jésus-Christ, qui est considéré comme un des plus beaux textes avec une dimension érotique, mon père. Mais érotique, tu rigoles ou quoi? Et en fait, c'est un texte que vous pouvez trouver dans cette édition-là, en hébreu, en grec, en latin, avec les traductions associées. Et il y a plein d'historiens qui font des introductions et qui vous expliquent qu'il y a des ponts avec la Palestine, notamment, que ce message d'amour, cet amour charnel et sensuel, c'est quelque chose qui est partagé par absolument toutes les religions. Donc c'est un message joli à faire passer. Alors je vais vous l'offrir, Rachid Bouchareb, et quant à vous, Karim Dridi, vous le retrouverez dans un coiffeur, chez un coiffeur du 16e. Je vous laisse dans une enveloppe. Avec une enveloppe. Avec une enveloppe. voilà, comme ça, je vous le ferai parvenir. Voilà. Merci, en tout cas. Merci mille fois. France Inter, Nagui, la bande originale. Tired of all this waiting. Can't you see I'm bleeding? That I'm barely moving. How much can I lose before my time is through? Everybody's watching everything I'm doing. Am I just a fraud? At least that's how I feel. This paranoia is real, I swear. What you want is everything I'm not. It's symptomatic, the lifelong habit. You gotta let it go. All this waiting, pent frustration. You gotta let it go. Oh me, I can't take it any longer. But I feel I'm getting stronger. Just sit here and count how I'm afflicted. Narcissistic man is not how I begin. I wish I could be part of something bigger, rather than pursue the self-obsessive plan to be a modern man. I swear, what you want is everything I'm not. Oh, me, I can't take it any longer. Nous parlons de Chouf, le film qui sort le 5 octobre prochain, le film de Karim Dridi, produit par Rachid Bouchareb. Les deux sont nos invités. Voici la cascade de questions, des questions courtes avec des réponses courtes. Guillermo Guiz, c'est parti. Oui, pour Karim Dridi, est-ce que vous êtes réconcilié avec Marion Cotillard? Cotillard. Avec Marion Cotillard même. Ouais, Cotillard. Pas encore. Albert Algou. Une question pour Rachid Boucharam. Vous croyez en Dieu? Y a, dans certaines situations, oui. Daniel Morin. Karim, votre souvenir cinéma le plus fort? La femme à barbe de Marco Ferreri, j'avais 5 ans. Leïla, Rachid. Quel enchaînement. Leïla. La femme à barbe. Merci beaucoup. Rachid, aidez-moi. Le film qui vous a donné, vous, envie de faire du cinéma? America, d'Elia Kazan. Guillermo? Absolument. Karim, le film qui vous donnera envie d'arrêter le cinéma? C'est dur ça. Non, je passe mon tour. Ça tombe bien, c'était le dernier. Excuses à présenter, Daniel. Oh, évidemment, désolé pour tous nos auditeurs racistes qui, en entendant Nagui donner le casting du film, ont cru que c'était l'annonce du démantèlement d'un réseau terroriste aux infos. Non, les gars, désolé, on appelle ça le progrès également. Désolé pour Philippe Pujol qui, après avoir balancé ce qu'il savait sur les réseaux marseillais, vient de faire son dernier passage radio en tant que personne vivante, en tout cas. Désolé pour Nagui qui a découvert qu'il n'était pas le seul à avoir des pratiques douteuses à base d'enveloppes d'argent sale et de coiffeurs. Fais gaffe, ça va mal finir. Et désolé enfin pour nos auditeurs qui ont dû écouter une autre radio que France Inter à cause du téléphone de Karim en début d'émission. Heureusement, les gars, c'était Radio Courtoisie. Merci mille fois et bravo surtout pour ce que vous faites. Rachid Bouchareb et Karim Tridi. Karim réalise Chouf qui sera sur les écrans le 5 octobre prochain. Un film intelligent et... Mercredi prochain. Mercredi prochain. Oui. Et on apprend beaucoup de choses. Merci mille fois, messieurs. Bonne journée. Philippe Bertrand pour les carnets de campagne. C'est déjà un autre Philippe que nous recevons lundi. Philippe Cobert, bonne journée. Merci Nagui, merci la bande. À lundi. On en parle. Les conseillers des points rénovation infoservices, mis en place par les pouvoirs publics, peuvent vous aider pour vos projets de rénovation énergétique. On en parle dans un instant. France Inter, c'est l'heure. Campagne, bonjour. Dernière incursion dans le Haut-Rhin. Nous vous présenterons tout à l'heure une fondation assez peu connue hors de ses frontières départementales, mais qui mérite franchement une présentation dans les carnets. La fondation François Schneider, cet ancien chef d'entreprise, a transformé son site de travail à Wattwiller en centre d'art contemporain et a créé sa fondation reconnue depuis 10 ans d'utilité publique. Celle-ci s'est donné deux missions, soutenir les artistes contemporains en devenir par un concours très bien doté au passage, et attribuer des bourses d'études aux jeunes sans ressources. Léa Guzzo, directrice